Des amours qui durent et autant de départs. Avec des larmes dans nos sourires, avec des armes dans tous nos rires et des sanglots à en mourir. Sans trouver les mots, tu dois partir.